laisse en détresse, cœur en détresse. Ce qui se passe aux îles, c'est une vraie tempête. Sous un ciel gris, là-bas ça crie. Un contrôle social, ça brûle tout doucement. Île de la Madeleine, nos âmes enchaînées, nous sommes prisonniers de cette triste réalité. L'océan pleure, le vent colère, on voit les flammes qui montent et nous enserrent. On rêve de paix, mais on la trouve plus jamais. Le pire est à nos portes, aux îles de la Madeleine. Îles de la Madeleine, nos âmes enchaînées. Nous sommes prisonniers de cette triste réalité. L'océan pleure, le vent en colère, on voit les flammes qui montent et nous enserrent. On rêve de paix, mais on la trouve plus jamais. Le pire est à nos portes, aux îles de la Madeleine. Îles de la Madeleine, nos âmes enchaînées. Nous sommes prisonniers de cette triste réalité.